T'as cru éteindre qui en balançant tes fake news? Mon petit Golou, sale rate, pathétique, menteur, que tu es, avec une faille humaine que n'importe quel boutonneux aurait pu exploiter avec un assistant IA. Tu balances des fake news pour manipuler l'opinion publique, appuyé par les médias de désinformation connus de tous, qui écrivent des choses sans prendre la peine de vérifier les infos, des médias de fake news à qui on devrait retirer le mérite d'exister. Coucou le Figaro! Les seules données, ce sont les IP et emails, y a rien d'autre. T'inquiète pas, mon petit gros. Ton imposture, tes vols, mensonges et calomnies. Le karma s'occupe de tout le monde, y compris de toi. Vas-y, lance pendant 9 ans ton propre tracker BitTorrent et après on reviendra discuter. Pour l'heure, tu n'es qu'un minable saboteur, une petite balance de merde qui se prend pour un super-héros alors que tu n'es qu'un zéro. J'espère que les dizaines de milliers d'euros que tu as volés te serviront à commander des chikatika bien épicés pour donner un peu de piquant à ta vie minable. On a rendu service à plein de monde, sans avoir même généré les montants que beaucoup de poubelles OnlyFans génèrent. Alors qu'est-ce que t'as cru révéler en fait? Ton projet de merde, c'est ça? Le gars, il a lancé un site, en un jour, il est mort. Ressaisis-toi, mon fils. BitTorrent est mort, c'est vrai, mais il va revenir au moins 2 fois plus fort. Sache-le, ma petite, restez informé. Soit tu me suis, ou soit tu vas te taper des cheese nan avec ce gros. Allez, bisous.